Les personnalités étrangères ont exalté les exploits du président Kim Il-sung pour la libération de la Corée. Le président du Conseil central du parti politique de la République populaire unifiée Kirghizie du Kirghizistan, le président du Comité central du Parti populaire socialiste du Mexique, le vice-président du Parti des socialistes libéraux d'Égypte, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste libanais, le président de l'Association d'amitié Suède-Corée, le président de l'Association de la jeunesse d'Addis Abeba d'Éthiopie, ont indiqué dans les messages et lettres de félicitations. Le président Kim Il-sung a libéré la patrie occupée par les impérialistes japonais et défendu la dignité et l'honneur de la nation par les armes. Les exploits révolutionnaires du président qui a conduit à la victoire la guerre révolutionnaire anti-japonaise, pour ainsi créer l'exemple mondial de la lutte de libération nationale, seront gardés toujours dans le cœur du peuple coréen et de l'humanité.